Chapitre 2e. Un badigeonnage aux enchères. Nous voici au samedi matin. Une magnifique journée d'été où la terre elle-même semble se réjouir. Il y a une chanson dans tous les cœurs et si le cœur est jeune, la chanson monte aux lèvres. On dirait que chaque visage reflète un rayon de soleil. On se sent comme des ailes aux pieds. Les caroupiers sont en fleurs et leur doux parfum remplit l'air. Tom sort du domaine de la tente polie avec un baquet rempli de blanc de chaux et une brosse fixée au bout d'un long manche. Arrivé sur la chaussée, il contemple la clôture qui entoure le jardin. La nature n'a plus de charme pour lui. Son visage s'allonge. 30 mètres de planches qui s'élèvent à une hauteur de 9 pieds. La vie lui paraît amère et l'existence un lourd fardeau. C'est en soupirant qu'il trempe sa brosse dans le baquet. Il la passe le long de la planche la plus élevée, répète à 2 reprises l'opération, compare l'étroit trait tracé par sa brosse au vaste espace qu'il s'agit de blanchir, s'assoit par terre et s'abandonne à un profond découragement. Au même instant, un aigrillon sort par la porte du jardin, un seau vide à la main. Il arrive en sautillant et chante à tue-tête les filles de Buffalo. Tom n'aimait pas aller puiser de l'eau. C'était une corvée qu'il laissait volontiers à Jim. Mais il se rappela que le matin surtout, il y avait beaucoup de monde autour du puits. En attendant leur tour, ses camarades causaient, jouaient aux billes, se battaient ou échangeaient des jouets. Il se souvint aussi que, bien que le puits ne fût pas à plus de 50 mètres de distance, Jim ne reparaissait guère qu'au bout d'une heure avec son seau. Encore était-on presque toujours obligé d'aller le chercher. « Comment, tu vas encore là-bas, mon pauvre Jim? Tu dois être fatigué, hein ?» « J'irai à ta place, si tu veux donner un coup de badigeon. » Jim secoua la tête. « Pas moyen, Massa Tom, » répliqua-t-il. « Maîtresse ne veut pas que je m'amuse en route. Si Massa Tom me demande de badigeonner, faut pas que je l'écoute car elle garde l'œil ouvert et égare à moi. »« Bah, Jim, elle parle toujours comme ça. Passe-moi le seau. Je serai revenu dans 10 minutes. Elle n'y verra que du feu. »« Non, j'ose pas, Massa Tom. Elle m'arracherait la tête, vrai. Elle l'a dit. » Elle ne tape jamais pour de bon, tu le sais bien. Un coup de dé sur la caboche tout au plus. Qui fait attention à un coup de dé? Tiens, je te donnerai cette bille. » Jim commençait à hésiter. Une belle bille en stuc, Jim. Elle vaut mieux qu'une agate. Oui, très belle, Massa Tom. Seulement j'ai peur d'être battu. Mais la tentation aussi était trop forte. Jim posa le seau à terre et prit la bille. 1 minute plus tard, il descendait la rue au triple galop, l'épaule endolorie, un seau à la main. Tom badigeonnait avec énergie, et la tante Polly se retirait avec une pantoufle qu'elle venait de ramasser. L'énergie de Tom ne dura pas. Il songeait au projet qu'il avait formé pour la journée qui débutait si mal. Bientôt, ses camarades, libres après la classe du matin, allaient se montrer. Comme on se moquera de lui en le voyant travailler. Cette pensée l'exaspère. Il tire de ses poches tous ses trésors et les examine. Hélas, les billes et le reste ne suffiraient pas pour acheter une heure de liberté. Ses moyens ne lui permettent pas de se procurer un remplaçant. Tout à coup, il a eu une idée lumineuse, une véritable inspiration. Il ramasse sa brosse et se met tranquillement à l'ouvrage. Ben Rogers, celui dont il redoutait le plus les railleries, apparaissait à l'horizon. L'allure de Ben annonçait un cœur léger et la perspective d'une journée de plaisir. Il grignotait une pomme et lançait par intervalle un ordre mystérieux, suivi de l'imitation d'un bruit de cloche. Bon, en ce moment, se donnait à lui-même la représentation d'un steamer en marche. Peu à peu, le navire ralentit sa course, fila au milieu de la chaussée, se pencha à tribord et alla non sans effort dans le vent, car le grand Missouri ne tirait pas moins de 9 pieds d'eau. Ben était à la fois le navire, le capitaine, l'équipage, la machine à vapeur et la cloche. Il avait donc à s'imaginer qu'il se tenait debout sur la passerelle, donnant les ordres et les exécutant. « Stop ! Ding ! Ding ! Ding !» N'ayant presque plus d'eau à courir, le steamer se rapprocha lentement de l'habitation de la tante Polly. « Tribord la barre ! Bon quart de vent ! Ding ! Ding ! Ding !» Les bras de Ben se raidirent et restèrent collés à ses flancs. « Ramène à bâbord. Din, din, din. Stop la roue de bâbord. Laisse arriver. Brouf, ouf, ouf. » accoste le quai. Jette l'amarre. Lâche la vapeur. Les roues cessèrent de tourner, et le steamer s'arrêta tout près de Tom, qui avait continué son badigeonnage sans paraître prêter la moindre attention au mouvement du navire. Ben, un peu surpris, le contempla bouche béante. « Te voilà marré aussi, toi, et pour toute la journée, hein ?» dit-il enfin. Tom faisait la sourde oreille. La tête penchée, il examinait son dernier coup de pinceau avec l'œil d'un artiste. « Ouais, mon pauvre vieux, Sid m'a raconté que tu es obligé de travailler, » reprit le nouveau venu d'un ton compatissant. « Tiens, c'est toi, Ben ?»« Comment, tu n'as pas entendu ?»« Dis donc, nous allons nous baigner. Tu voudrais bien nous accompagner, pas vrai ?» Mais non, tu aimes mieux travailler, naturellement. Tom regarda son interlocuteur d'un air étonné. Qu'appelles-tu travailler ? Ah ça, est-ce que tu ne travailles pas ? Tom changea son baquet de place et répondit d'un air insouciant. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la besogne ne déplaît pas à Tom Sawyer. Voyons, tu ne me feras pas croire que tu t'amuses. La brosse continuait son petit train-train. Crois ce que tu voudras. Seulement, tu oublies qu'on n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom passa délicatement son pinceau le long d'une planche, se recula pour admirer l'effet, ajouta une couche, puis recommença le même manège. Son compagnon, qui suivait chaque mouvement du peintre, se sentait de plus en plus intéressé. Bientôt, il s'écria : Dis donc, Tom, « Laisse-moi badigeonner un peu. » Tom parut sur le point d'accéder à la requête, mais il changea d'avis. « Non, non, tu ne saurais pas, Ben. Vois-tu, tante Pauline m'en voudrait à mort. Elle tient à ce que ce côté-là soit bien blanchi, parce qu'il donne sur la rue. Si c'était la clôture qui donne sur l'allée, ça lui serait égal et à moi aussi. Tu n'as pas idée combien elle est difficile. Elle ne s'en rapporte qu'à moi. Il n'y a pas un individu sur 1000, et même sur 2000, capable de la contenter. » « Vrai ? Allons, passe-moi la brosse. Je m'en tirerai aussi bien que toi. »« Ben, je ne demanderai pas mieux que de t'obliger, foi d'honnête indien, mais tante Polly, elle a envoyé promener Jim et Sid, qui offraient de me remplacer. Si l'ouvrage n'est pas proprement fait, je serai dans de jolis draps. »« Sois tranquille, je ne suis pas manchot. Voyons, laisse-moi essayer. Je te donnerai la moitié de ma pomme. »« Eh bien, non, Ben, tu gâcherais tout. »« Tiens, je te donnerai ce qui reste de ma pomme. » Tom céda comme un contre-cœur, bien qu'il fût ravi du succès de sa ruse. Tandis que l'ex-steamer Missouri travaillait en plein soleil, le sidement artiste, assis à l'ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, mordillait sa pomme et méditait le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. On voyait sans cesse arriver des écoliers désœuvrés, qui, venus pour railler, s'arrêtaient pour badigeonner. Avant que Ben eût offert sa démission, la corvée était déjà adjugée à Bill Fisher, à qui elle coûta un cerf-volant en parfait état. Lorsque ce dernier se déclara éreinté, John Miller s'empressa d'acheter la prérogative, moyennant un beau remords, y compris une ficelle neuve qui permettait de balancer le rongeur décédé. Les marchés de ce genre se renouvelèrent d'heure en heure. Vers le milieu de l'après-midi, Tom, si pauvre le matin, roulait littéralement sur l'or, car il ne savait plus que faire de ses richesses. Outre les objets mentionnés ci-dessus, il possédait 12 billes, l'embouchure d'un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clé qui n'ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, 2 soldats d'étain, un bouton de porte en cuivre, 2 têtards, un collier de chien, mais pas de chien, le manche d'un couteau, 6 pétards, un chat borgne, 10 fragments de pelure d'orange et un châssis de fenêtre démantibulé. Par-dessus le marché, il avait flâné toute la matinée au lieu de travailler. Il s'était vu entouré d'une nombreuse société, et la clôture resplendissait sous une triple couche de peinture. Si sa provision de chaux n'eût pas été épuisée, tous les gamins du village se seraient trouvés en faillite. Tom se dit qu'en somme l'existence est fort supportable. Il avait découvert, sans s'en douter, une grande loi sociale. Afin d'amener les hommes à convoiter quelque chose, il suffit de leur faire croire que la chose est difficile à atteindre. S'il eût été un profond philosophe, comme l'auteur de ce livre, il aurait su que le travail consiste dans une tâche que l'on doit accomplir bon gré mal gré, et que le plaisir consiste dans une occupation quelconque à laquelle on n'est pas contraint de se livrer. Cela leur aidait à comprendre pourquoi l'on travaille lorsqu'on fabrique une fleur artificielle, tandis que l'on s'amuse quand on s'éreinte à grimper jusqu'au sommet du Mont Blanc. Il a existé en Angleterre des gentlemen très riches qui conduisaient chaque jour un mail coach à 4 chevaux pendant un long trajet parce que le privilège de tenir les rênes leur coûtait une somme assez ronde. Mais ils auraient cru se livrer à un travail dérogatoire si l'on avait offert de les payer pour remplir les fonctions de cocher.